Si je pleure à la lune, c'est pour crier mon infortune, car sèche est ma plume envolée vers les dunes. Je me perds dans la brume, lentement le feu me consume, car sèche est ma plume inondée d'amertume. Aidez-moi, je suis perdu, j'ai trop bu, et le bois de cette table me fait mal, et cet animal m'a mordu. Aidez-moi. Si j'ai peur de la nuit, mon ardeur, mon courage me fuit, une brèche, un abri, et je m'y réfugie. La douleur qui me lie au malheur toujours me poursuit, une brèche, un abri, et j'y finis ma vie. Aidez-moi, je suis perdu, j'ai trop bu, et le bois de cette table me fait mal, et cet animal m'a mordu. Aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi, je suis perdu, j'ai trop bu, et le bois de cette table me fait mal, et cet animal m'a mordu. Aidez-moi.